Yo, atención allá en él, representando Dudu Masta, Fiesta Caliente, Mulatas Suaves, esto es de La Habana, Francia, Francia Habana, yo, Masta Salsa. A Tocelo voy para Macaré, llego a Puerto y voy para París, cubana yo te digo a ti, que la salsa tiene bombo, sí, mamacita tú vas y vas, con mi amigo Masta Salsa, sí. A Tocelo voy para Macaré. C'est moi qui contrôle au volant du car. C'est moi qui contrôle, qui pilote le char. Y'a du mouvement dans la fanfare. C'est le carnaval et jusqu'au tard le soir. Vive les pétards, les coups de pétard, les spliffs, les soulards, les bourgeois dollars. Tu sais, ici il fait aussi chaud qu'à Cuba. Y'a de la seuf, y'a de la zik. Ici c'est pas la massale ça. Arriba, arriba. C'est rap, musique tropicale, typical. C'est Dudu Masta carnaval. Ça te manie mal, ça se frotte façon animale. Excuse-moi sista, si c'est moi qui te manie mal. On fera pas souffler dans le ballon. Aujourd'hui les keufs jouent avec le ballon. Personne tombera au ballon. C'est pire que la révolution. Y'a plus de riches, y'a plus de pauvres. C'est ça l'évolution. Des couleurs vives, des corps qui dansent. Tout le monde en transpiration, tout le monde en ébullition. Si tu le savais pas, la musique éveille toutes les nations. A Tocelo voy para Macaré, llego a Puerto y voy para París, cubana yo te digo a ti, que la salsa tiene bombo, sí, mamacita tu basura, con mi amigo Masta Salsa, sí. A Tocelo voy para Macaré, con mi amigo Masta Salsa, sí. T'as vu, c'est carré de tous les côtés, c'est un cube, hein. Comme un tube, hein. Ça coupe comme la pub, hein. C'est brûlant comme des épices, de la sauce piquante ou du piment. Et puis c'est violent, versant, entraînant, de la grand-mère jusqu'aux enfants. Sous la pluie ou le beau temps, tout le monde est dans le vent, mets-toi dans le vent. Ou prends le vent, par derrière ou par devant, faut prendre les devants. Car le dindon de la face n'est jamais celui qu'on attend. Celui qui croit que dans le mouvement, bouge dans le mouvement. Tiens, un drink, ça sonne sur mon portable. Ouais. Viens me chercher dans une décapotable. C'est la teuf, bœuf, c'est bien confortable. Oh, Amiro, en place ma table. Ah, c'est de la poêle, pas plus partout, on m'invite partout, je suis légal. Je m'en régale, c'est Panama, ça t'sa pour les boys et les clans au carnaval, Masta carnaval, rendez-vous illégal. Fais péter la piñata, le bikini des Chiquita. DJ enchaîne sur le platine la bomba. Baila, baila et la bomba. C'est la bomba, Panama salsa. Caramba, caramba. Señorita, donne-nous señorita tout ça, secoue tout ça. Remets ton bomba, bouge ton bonda. C'est ça qui fait bouger sur Panama. Mais pas besoin de Santana, vas-y écoute ça papa. Maria, Maria. Danse avec moi, danse avec toi sur Panama. C'est la Masta salsa, oh, c'est Masta. Pas salsa. C'est bon et ça te cale comme du yassa. Et puis yaksa, entraîne les anges comme les dixa. Dudu Masta, Panam salsa. A Tocelo voy para Macaré, llego a Puerto y voy para París, cubana yo te digo a ti, que la salsa tiene bombo, sí, mamacita tu basura, tu basura, con mi amigo Masta salsa, sí. A Tocelo voy para Macaré, yo mi amigo Masta suda, salsa, suda, sí. Me gusta a mí la salsa, llego hacia la Francia, recordando a mis consortes, hablando de La Habana. El calor de Cuba me hace ser más un en sí, viniendo de allá para decirte que soy revolución en sí, revolución en sí. Cuba, Cuba, sí, una vez más aquí, haciéndote a ti, yo, cheque, que soy un cubano y un revolución en sí, viviendo aquí, tranquilo yo, así. Te dije a ti una vez más que soy un en sí, sí. Aquí, Habana City, Habana, Habana, París, sí. Revolución en sí, yeah. Sí, Masta salsa, Masta salsa, Masta salsa, yo. Yeah.